ensemble, ouais. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Tous ensemble, tous ensemble, 1, 2, 3, 4. Le retour de la clope en discothèque, avec un verre de vodka, rien ne vaut une cigarette. L'État voudrait nous priver de boire et de faire la fête, mais il ne m'empêchera pas de chanter à tue-tête. Que le retour de la clope en discothèque, avec un verre de vodka, rien ne vaut une cigarette. L'État voudrait nous priver de boire et de faire la fête, mais il ne m'empêchera pas de chanter à tue-tête. Que les clubs ont perdu des clients depuis que la clope y est bannie. Je trouve ça l'avant car c'est l'État qui a gagné son pari. Les contrôles de police, maintenant la cigarette. Mais quand allez-vous enfin nous laisser faire la fête? Même si on le sait, c'est dangereux pour la santé. Merci de nous laisser être seuls juste pour en juger. Est-ce si compliqué, tout est des plus que liberté. Tiens, on n'a qu'une seule vie, donc laissez-nous en profiter. Le retour de la clope en discothèque, avec un verre de vodka, rien ne vaut une cigarette. L'État voudrait nous priver de boire et de faire la fête, mais il ne m'empêchera pas de chanter à tue-tête. Que le retour de la clope en discothèque, avec un verre de vodka, rien ne vaut une cigarette. L'État voudrait nous priver de boire et de faire la fête, mais il ne m'empêchera pas de chanter à tue-tête. Que nous on voit en place, voudrait fermer les discothèques, pas pour notre sécurité, mais pour le politiquement correct. Qui est-ce qui sort? Ce sont les jeunes, alors ils nous...